Bako, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 14 janvier 2022. Voici les grands titres de cette édition. Les enseignants syndiqués menacent de déclencher un mouvement de grève générale pour protester contre le test de niveau pour des enseignants déjà en exercice s'il est maintenu. De son côté, le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale tranquillise. Aucun enseignant ne sera viré à cause de la note obtenue dans cette épreuve. Les conditions dans lesquelles les restes des victimes de la crise de 1972 sont conservés à Muzingarwangon en commune et province Bururi ne rendent aucun honneur aux victimes. Notre correspondant sera en ligne pour plus de détails dans la chronique environnement. Il sera question de l'impact de la pression démographique sur l'environnement. Bonjour. En test de niveau pour des enseignants déjà en exercice, c'est un signe de dénigrement, de culpabilisation de ces derniers, en plus d'être illégitime. Déclaration des syndicats des enseignants affiliés à la COSESONA ce vendredi lors d'une conférence de presse. Selon eux, ce test de niveau témoigne non seulement d'un manque de confiance à l'endroit de cette catégorie de fonctionnaires, mais revient aussi à remettre en cause les institutions leur ayant délivré les diplômes. Suivez plutôt ce coup de gueule d'Emmanuel Machandari, il est vice-président de la COSESONA. Au lieu de s'attaquer aux causes réelles des défis qui hantent le secteur de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique jette le tort à l'enseignant debout, comme si tous les problèmes qui gangrènent ce secteur seraient l'œuvre de l'enseignant. Organiser pareil test de niveau pour accéder à un perfectionnement professionnel, revient à remettre en cause l'institution qui a délivré le diplôme, la réussite du test de recrutement, les cotations attestant le niveau de performance annuellement reçu, l'expérience professionnelle acquise par l'enseignant, etc. Curieusement, cet unique test dans l'histoire de la fonction publique burundaise et qui commence chez les enseignants qui ne cessent d'éduquer, de former pour le compte de la nation et du monde entier témoigne des manques de confiance en cette catégorie de fonctionnaires, combien utile au regard des hauts cadres et agents qui sont leur output et de sur quoi leur devrait une grande reconnaissance. Emmanuel Machandari, c'est pour cette raison que les syndicats des enseignants affiliés à la COSESONA demandent au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique de suspendre toutes les procédures liées à l'organisation de ce test jugé inopportun et illégal, mais plutôt de programmer dans les meilleurs délais un dialogue franc en vue de trouver des solutions efficaces et durables. Au contraire, les 10 syndicats déclarent qu'ils seront dans l'obligation de déclencher un mouvement de grève générale. Encore une fois, Emmanuel Machandari. Les syndicats des enseignants affiliés à la COSESONA, pour faire face à la réponse de provocation dite diplomatique du ministère, demandent ce qui suit. Au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, de suspendre sans condition toutes les procédures liées à l'organisation de ce test jugé inopportun et illégal et programmer dans les meilleurs délais un dialogue franc, non évasif, en vue de trouver des solutions efficace et durable. Au cas contraire, les 10 syndicats portent à la connaissance du public qu'ils seront dans l'obligation de déclencher un mouvement de grève générale conformément à la Constitution, à la Convention 87 du DOLOIT et à la loi numéro 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l'exercice du droit syndical et du droit de grève à la fonction publique. Mettre en avant ce qui est prévu par la loi, au lieu de procéder à un forcing et adopter une communication non violente. Emmanuel Machandari, vice-président de la COSESONA, ce collectif des syndicats des enseignants. Et malgré cela, le porte-parole du ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique a déclaré ce jeudi dans un communiqué qu'aucun enseignant ne sera renvoyé de la fonction publique, quelle que soit la note obtenue dans son test. Suivez Liboire Vigirimana. Le ministère de l'Éducation nationale compte organiser un recyclage des enseignants au cours de cette année scolaire 2021-2022. Ce recyclage concerne environ 30 000 enseignants des premiers cycles, c'est-à-dire de la première à la sixième année du fondamental. En test, pour détecter les forces et les faiblesses de chaque enseignant par matière, sera organisé à cet effet. À ce sujet, le ministère tient à tranquilliser les enseignants qui seront concernés par l'audit test, que ce test sera organisé pour uniquement cerner les forces et faiblesses remarquées en vue de permettre au ministère de concevoir des modules de formation pour remédier aux faiblesses constatées dans l'une ou l'autre matière. En outre, le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique tient à tranquilliser le public en général et les enseignants en particulier qui passeront le test, que la note obtenue sera encodée et ne sera divulguée à personne et que, a priori, aucun enseignant ne sera renvoyé de la fonction publique, quelle que soit la note obtenue. Le recyclage sera assuré par les enseignants ayant participé au test comme les autres, mais ayant obtenu la meilleure note plus que les autres, étant donné que le ministère de l'Éducation nationale de la Recherche scientifique est convaincu qu'il y a beaucoup d'enseignants qui possèdent un très haut niveau de compétences. Il est porté à la connaissance du public que, dans la même logique de promouvoir la qualité des enseignements, des efforts considérables sont en train d'être faits pour doter les écoles de différents intrants, notamment la fourniture aux écoles des supports pédagogiques, la fourniture des bancs pupitres et ainsi de suite. C'était Héliboire Guiliman, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique concernant la doléance des syndicats des enseignants affiliés à la COSESSONA, demandant au ministère de suspendre toutes les procédures liées à l'organisation de ce test. Le ministre de l'Éducation nationale, joint au téléphone par la rédaction, a promis de s'exprimer ultérieurement. Éducation, toujours cette fois-ci à l'enseignement supérieur. L'Université du Burundi prévoit un demi-milliard de francs burundais alloués à la recherche scientifique pour cette année budgétaire 2021-2022. Le recteur de cette université précise aussi que l'Université du Burundi dispose de 17 centres de recherche. Cependant, docteur ingénieur Sanctus Niragira trouve que le budget alloué à ce secteur ne suffit pas compte tenu des activités de recherche à réaliser. La recherche ici à l'Université du Burundi est effectuée à travers les centres de recherche. Les centres de recherche qui ont été créés au sein des facultés et instituts. Nous avons au total 17 centres de recherche. C'est au travers ces centres que nous réalisons nos activités de recherche. Nous avons un budget, par exemple, pour cet exercice. Nous avons à peu près 500 millions de nos francs. Ces 500 millions accordés selon une compétition entre les centres de recherche, des centres de recherche qui présentent des projets de recherche qui sont évalués par un comité qui est mis sur pied pour les évaluer. Ils reçoivent à peu près entre 25 millions et 30 millions pour effectuer des travaux de recherche. D'autre part, on fait la recherche au travers ces programmes de formation de master, les mémoires qui sont rédigés par les étudiants de deuxième cycle, ainsi que nos doctorants. Les défis ne peuvent pas manquer. Normalement, il est rare qu'un budget alloué à la recherche qui est octroyé par les pouvoirs publics puisse suffire. Dire que les 500 millions que ça suffit avec d'autres sources de financement qu'on peut obtenir ici et là, nous constatons que ces ressources restent limitées pour un bon épanouissement des chercheurs. Aujourd'hui, dans le cadre de nos travaux de recherche, nous contribuons à différents endroits parce que ces travaux que nous réalisons constituent souvent une base pour la planification et pour aussi le développement de notre pays. C'était le recteur de l'Université du Burundi, docteur ingénieur Sanctus Niragira. Et la répartition du travail entre employés chargés de la propreté dans les différents campus de l'Université du Burundi peut être une solution à l'insalubrité, un point de vue du doyen de l'Institut d'administration et de cartographie foncière de l'Université du Burundi, campus Buhumuza, c'est en province Cankuzo. Emery Nukuri appelle d'autres doyens à prioriser ses activités de propreté. il fallait diviser les tâches entre les travailleurs. Ainsi, parmi les plantons, parmi les cuisiniers et les veilleurs, eh bien, tout le campus, que ce soit les fleurs, le jardin, les classes et les sanitaires, chacun a sa partie propre, les classes qu'il doit nettoyer. Et dans ce cas, chaque travailleur est coté par rapport à ses performances. Ça nous permet de suivre. Parce que quand on trouve qu'il n'y a pas de propriété quelque part, on sait celui qui n'a pas été à la hauteur. On appelle à d'autres doyens, d'autres campus. Généralement, c'est dans ce domaine-là. C'est d'abord une question de responsabilité. Personnellement, pour essayer de garder le campus propre, j'ai pris l'exemple de la faculté des sciences. Elle a été toujours l'une des plus belles. Il y a maintenant la faculté de lettres et la faculté de droit qui avance et d'autres facultés qui font des efforts. Ce que je dirais à mes collègues, aux responsables du campus, c'est vraiment de prendre note de ce que disent les autorités électorales pour la propriété. Ils nous le répètent, ils nous donnent les moyens qui sont disponibles, tous les moyens qu'on demande, on les donne. Alors ils doivent faire de cela une priorité pour que les campus de l'Université du Burundi reflètent l'image de notre pays. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La suite de ce journal. Le monopole est une réalité au Burundi pour certaines entreprises comme la Brarudi ou Busseco. Constat de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Gabriel Ouftili, président de l'Olucom, plaide pour la réglementation de ce secteur, étant donné qu'il n'y a pas de loi régissant le monopole au Burundi. On l'écoute. Il y a le monopole qui concerne les sociétés qui donnent des produits et des services aux citoyens burundais, mais aussi il y a des monopoles qui concernent les marchés qui sont octroyés par les services de l'État à travers le budget général de l'État et d'autres services. Ici, je citerai par exemple les monopoles qu'on observe au niveau de la Brarudi, au niveau de la Sosumo, au niveau de la société FOMI. Je parle aussi du secteur pétrolier, au niveau des médicaments. Donc, il y a des monopoles et comme conséquence, c'est la pénurie. Il y a arrêté toujours du sucre, du ciment, des produits pétroliers, des médicaments, du fumier et le pays ne peut pas progresser. Comme conséquence, les autres sociétés sont bloquées de venir investir dans ce domaine. Et ici, pour seulement l'or. C'est une seule coopérative qui se trouve dans ce domaine, qui achète l'or et par la suite c'est la BRB qui achète l'or. Les marchés qui sont donnés pour la construction des écoles, des hôpitaux, la construction des routes, la construction de presque toutes les infrastructures publiques, c'est toujours les mêmes individus. Cela ne peut pas favoriser les investisseurs étrangers parce que là où il y a monopole, c'est-à-dire que la concurrence ne peut pas être une réalité. Pour nous, il est plus qu'urgent que cette question trouve des solutions parce que ça serait très difficile d'avancer en matière de développement quand il n'y a pas de concurrence. C'est pour cette raison que l'Olicom pense qu'il est important de réglementer ce domaine, ce secteur. Gabriel Ouftili, président de l'Olicom. Je vous l'avais dit dans les titres, les conditions dans lesquelles les restes des victimes de la crise de 1972 sont conservés à Muzinga, Gwanghona, en commune et province de Bururi, ne rendent qu'un honneur aux victimes. Les proches des victimes le disent environ une année après l'exhumation de ces restes et voudraient leur inhumation dans la dignité. Au niveau de la commission Vérité et Réconciliation, on informe que cette question est en train d'être traitée. Jean-Pierre Misago. Pour certains des habitants de Kiremba ayant perdu les leurs dans la crise de 1972 au Burundi, une simple vue des restes des leurs là où ils sont entassés près d'une année après leur exhumation leur cause du chagrin. D'autres déplorent les conditions dans lesquelles ces restes sont conservés. Après l'exhumation, nous déplorons le fait que les ossements ont été rassemblés dans une salle de classe, non balayés. Nous constatons qu'aucun honneur n'est rendu à nos parents, même à nos frères. Parce que moi, j'ai perdu un parent, j'ai perdu également un frère, j'ai perdu des parentés, des proches parentés et des voisins. Donc, nous déplorons les conditions dans lesquelles se trouvent ces ossements, les restes de nos parents. Ça ne devrait pas être traité comme ça, parce que ces ossements-là continuent à se dégrader. Ceux qui se sont exprimés voudraient que ces restes soient dignement enterrés et la CVR devrait au préalable les consulter. Il faut organiser les funérailles en bonne et due forme. Quand nos parents ont été tués, ils ont été entassés dans des fosses communes. Il n'y a pas eu d'enterrement digne. Mais non, c'est le moment de les enterrer dignement et de poser une pancarte, un panneau pour se rappeler de ces citoyens burundais, pour inscrire les noms de toutes ces personnes qui ont été tuées et entassées dans ces fosses-là. Après cette inhumation digne de son nom, avec une pancarte où seraient mentionnés les noms connus des victimes, la CVR devrait accompagner les descendants des victimes de ces tueries dans l'organisation de la levée de deuil définitive et non le contraire. À ce sujet, la commission Vérité et Réconciliation informe être à pied d'œuvre pour trouver solution projetée dans un proche avenir. Jean-Pierre Misago, depuis Muzenga, Gwangona, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. La pression démographique pousse à la recherche des terres cultivables et du logement, alors que les nombreux engins de déplacement dans les villes polluent l'environnement. Comme l'explique Athanase Nkunzimana, professeur à l'Université du Burundi en sciences géographiques et populations. Selon lui, cette situation s'observe dans les pays en voie de développement comme dans les pays développés. La chronique sur l'environnement est signée Lydie Gahimbare. Dans les pays en voie de développement, la pression démographique oblige la population à cultiver dans les espaces protégés en détruisant ainsi l'environnement. Explication du docteur Athanase Nkunzimana, professeur à l'Université du Burundi en sciences géographiques et la population. À part à l'agriculture, la population en général utilise souvent de l'arbre. Au fur et à mesure que la population augmente, surtout dans le contexte de pays comme le Burundi où la plupart de la population vivent de la culture, ce qu'est on doit aussi, augmenter, n'est-ce pas, la taille d'exploitation. Et augmenter la taille d'exploitation signifie également faire disparaître ou détruire complètement la biodiversité, donc tous les éléments qui étaient dans l'écosystème. Revenant aussi sur la nourriture, c'est que la plupart des Burundais, pour faire la cuisson, ont recours, n'est-ce pas, au bois de chauffage ou au charbon de bois. Et dans ce cas, c'est autant de tonnes qui sont coupées par an. Chaque ménage, donc, coupe autant d'arbres pour, en tout cas, subvenir à ses besoins en matière de cuisson. Mais également, d'arbres coupés pour la cuisson. Sur le cas du logement aussi, la plupart des familles aussi utilisent les constructions en bois. Dans ce cas aussi, il y a beaucoup d'arbres qui sont coupés, donc dégradation environnementale. Également, il faut aussi parler aussi des meubles qu'on utilise dans les maisons. Là aussi, il y a beaucoup d'arbres en termes de tonnes qui sont coupés. Dans les villes, le chercheur explique que la gestion des déchets est souvent difficile, également des véhicules qui polluent l'environnement, ajoute-t-il. Si nous allons dans les villes ou dans les centres en vocation urbaine, ce que l'augmentation de la population aussi va causer la dégradation de l'environnement. Comment? D'abord, il y aura un besoin crucial, n'est-ce pas, d'assainissement, parce que plus la population va augmenter, plus il y aura beaucoup de déchets. Et il y aura aussi un problème, n'est-ce pas, de gestion des eaux usées, les déchets des eaux usées, qui à la longue sont jetés dans les rivières ou dans les lacs. Également, il faut parler de la pollution qui est causée par le transport. Dans les villes, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se déplacent, donc beaucoup de véhicules, et donc qui génèrent beaucoup, n'est-ce pas, de CO2, dioxyde de carbone. Selon ce chercheur, dans les pays développés, la pression démographique pousse au développement de l'industrie qui cause souvent en grande partie la pollution de l'air. Dans la prochaine chronique, le chercheur expliquera les conséquences liées à la pression démographique sur l'environnement et des solutions pour la protection de l'environnement. Merci Lydie Gahimbare. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le réaliser. Au micro Jean Bosco, Douimana à la technique, c'est Séraphine Akezimana. Un bon après-midi.